إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فسنتخو نفيما سيزو التوغ de ces questions-réponses de Cheikh Ubayd Hafidhahullah Ta'ala, qui tourne autour du minhaj. Nous sommes dans le paragraphe qui est intitulé « La compréhension du comportement à avoir avec les gens de la sunna et le comportement et la compréhension du comportement à avoir avec les gens du faux ». Nous sommes avec la 20e question. On a sual ou al-ishroun yaqul « Jazakumullahu khairan » وأحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: نود التفريق بين التقليد المذموم عند أهل العلم والتقليد الذي يدندن حوله أبو الحسن وأتباعه. La 20e question, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense, c'est une, nous aimerions que vous nous fassiez la différence entre l'imitation blâmable chez les hommes de science et l'imitation autour de laquelle parle Abu al-Hassan et ses disciples. Bien sûr, ici il s'agit d'une question d'Abu al-Hassan de Ma'rib. يقول حفظه الله: التقليد في اللغة من تقلد الشيء يتقلده إذا وضعه في رقبته، ويقال قلد غيره قلادة إذا وضع القلادة في رقبته. التقليد en langue arabe, ça veut dire quand on met quelque chose autour du cou. تقلد شيئا, quand il met quelque chose autour du cou. Et quand on dit de quelqu'un qu'il a mis quelque chose au cou de quelqu'un, ça veut dire qu'il lui a mis une qillada, le collier, il lui a mis un collier autour du cou. Ça, c'est au niveau de la langue arabe. Taqlid, ça veut dire mettre un collier autour du cou de quelqu'un. Ou autour du cou de la personne, lui-même il le met. Ça veut dire que تقلد القلادة. وأما في اصطلاح أهل العلم فإنه قبول قول من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله. Mais dans la terminologie des hommes de science, c'est le fait d'accepter la parole de quelqu'un dont la parole n'est pas une preuve, sans connaître ses preuves. Dans la terminologie des hommes de science, c'est le fait d'accepter la parole de quelqu'un qui n'est pas une preuve, dont la parole n'est pas une preuve, sans connaître ses preuves. وبهذا يجب التفطن إلى ما تضمنه التعريف من قيود. Partant de là, Cheikh il dit, il est obligatoire de faire très attention à cette définition, aux conditions qu'il y a dans la définition de تقليد. يقول فقوله قبول من ليس قوله حجة من غير معرفة دليل هذان قيدان. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, le fait d'accepter la parole de quelqu'un qui n'est pas une preuve sans connaître ses preuves, dans ces phrases-là, il y a deux conditions. Al-Qaïd al-Awwal, Qaboul qawl man laysa qawluhu hujja, hada mukharrij Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam, fa inna qawluhu hujja. فإذا قيل لك قال رسول الله لا يجوز أن تسأل عن الدليل قوله حجة لكن لك إذا استغربت أن تسأل عن صحة الحديث. Et la première chose qu'il faut comprendre, la première condition qui est contenue dans cette parole, c'est dans l'expression accepter la parole de celui dont la parole n'est pas une preuve. Bien sûr, cette phrase va sortir qui ? Hein ? Va faire l'exception de qui ? Va faire l'exception de Muhammad alayhi salatu salam, messager d'Allah. Car la parole de Muhammad alayhi salatu salam est une preuve en soi. Quand on te dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas permis de demander la preuve. Parce que la preuve du prophète alayhi salatu salam, la parole du prophète alayhi salatu salam est une preuve. Mais tu peux poser la question sur l'authenticité du hadith. Hein? يقول وكذلك الاجماع فاذا انقعد انقعد انعقد الاجماع من اهله في عصر من العصور وجب قبوله الى يوم القيامه ولا يجوز نقضه فان الاجماع حجه بنفسه سواء عرف دليله ام لم يعرف. Il dit il en est de même pour ce qui concerne le consensus. Quand il y a un consensus, hein, d'homme de science digne à une certaine époque, il est obligatoire d'accepter ce consensus jusqu'au jour de la résurrection. Il n'est pas permis de le mettre de côté, ni de l'annuler, car le consensus est une preuve en soi. Qu'on connaisse ces preuves ou là qu'on ne les connaisse pas. يقول فمن الإجماع من قام عليه الدليل من الكتاب والسنة الصحيحة. Il dit fait partie du consensus, un consensus dont les preuves sont accomplies par le livre d'Allah et l'authentique de la Sunna. ومن الإجماع ما استند إلى حديث ضعيف فقوي به الحديث. Il fait partie du consensus aussi. Hein, un consensus qui est basé sur un hadith faible, mais le fait que le consensus est basé dessus va renforcer ce hadith. يقول ومن الإجماعات من لم يعرف دليله لكنه انعقد عليه قول الأئمة انعقد على المجمع عليه قول الأئمة. Il dit aussi il fait partie du consensus dont on ne connaît pas les preuves, mais il y a eu le consensus des imams. La parole des imams est unanime là-dessus. يقول ولهذا يعرفون الإجماع فيقولون هو اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصر بعد وفاته على أمر ديني. هذا هو الإجماع. Il dit c'est pour ça qu'il donne cette définition, c'est-à-dire que les hommes de science donnent cette définition à l'ijma, qui est le consensus. Ils disent c'est le fait qu'un ensemble, que tous les hommes de science dignes de l'effort de l'interprétation de la communauté de Mohammed alayhi salatu salam sont tombés d'accord à une des époques, parmi les époques après le prophète alayhi salatu salam, sur un sujet de religion. Ça c'est l'ijma. Hein, le fait que les dînes du l'effort de l'interprétation parmi les hommes de science de la communauté sont tombés d'accord sur un point, sur un sujet de religion à une époque bien précise après la mort du prophète alayhi salatu salam. Hein, et ça c'est le consensus. يقول وهنا أنبه إلى أن كل فن المعتبر فيه إجماع أهله فالقضايا الحديثية المعتبر فيه ليس قول الفقهاء ولا قول المؤرخين ولا قول علماء العربية المعتبر فيها إجماع المحدثين لأنها قضية حديثية. Il dit ici, il attire notre attention sur un point essentiel, dit que chaque domaine, ce qu'il faut prendre en considération, c'est le consensus des hommes du domaine. Il dit en ce qui concerne les sujets du hadith, ce qu'il faut prendre en considération, ce n'est pas la parole des jurisconsultes, ni la parole des historiens, ni la parole des hommes de science de la langue arabe, mais ce qu'il faut prendre en considération, c'est le consensus des hommes du hadith, car c'est un point qui concerne le hadith. يقول والقاعدة الأصولية يعتبر فيها إجماع أهل الأصول. Il dit, il a règle fondamentaliste, la règle qui concerne la science des fondements sur le fiqh. Ce qu'il faut prendre en considération au niveau du consensus, c'est le consensus des hommes de science des fondations, des fondements de sur le fiqh. C'est leur consensus qu'il faut prendre en considération. والقضية التاريخية يعتبر فيها إجماع علماء التاريخ العارفين بالغزوات. Il dit, en ce qui concerne les événements historiques, ce qu'il faut prendre en considération, c'est le consensus des hommes de science de l'histoire et qui connaissent l'histoire des batailles, etc. يقول فمثلا حينما يجمع المؤرخون من علماء الإسلام على أن غزوة الخندق سنة 4 من الهجرة. لا نحتاج إلى بحث، يكفيك أهل الفن وكما يعبرون أهل الاختصاص، كفونا هذا، كفونا هذا. كذلك لو أجمعوا على أن عمرة القضاء في سنة 7 كفانا، وهكذا. Il dit, par exemple, quand les historiens parmi les hommes de science de l'islam sont d'accord, ils sont unanimes sur le fait que la bataille des tranchées a eu lieu en l'an 4 de l'Hégire, on n'a pas besoin de chercher. Les gens de la spécialité nous ont suffi. Les spécialistes en la matière, leurs paroles ne suffisent. Et si ils ramènent le consensus comme quoi la Umra d'Yal Qadha, la Umra, là où le Rasoul l'année où il a rattrapé le Rasoul, la Umra, c'est l'année 7 de l'Hijr, ça ne suffit. Et ainsi de suite. Yaqoul, Al-Qaïd al-Thani, Unduru. قبول قول من ليس حجة من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله هذا يخرج قول العالم الذي عرف دليله فإن قبول قوله مع دليله ليس بتقليد بل هو اتباع تفطنوا. Il dit la deuxième condition dans la règle, accepter la parole de celui qui n'est pas une preuve sans connaître sa preuve. Il dit là aussi on sort la parole de l'homme de science dont on connaît la preuve. L'exception est faite ici de la parole de l'homme de science dont on connaît la preuve. Car accepter sa parole avec sa preuve, ce n'est pas une imitation, ce n'est pas du taqlid. Ça s'appelle le suivi. Ça s'appelle suivre. Et il faut être éveillé à ça. Yaqul wa min huna naqul. Et partant de là, nous disons. Al farqu بين التقليد والاتباع. أولا الفرق بين التقليد والاتباع، فإن التقليد هو قبول القول من غير معرفة الدليل، تسليم هكذا من غير معرفة دليله. Il dit وأما الاتباع فهو قبول القول الذي يسنده الدليل. Et il dit premièrement, nous disons premièrement, la différence entre le fait d'imiter et le fait de suivre, entre le suivi et l'imitation, c'est que l'imitation, c'est d'accepter la parole sans connaître sa preuve. Et de se soumettre comme ça, sans connaître la preuve. Quant au suivi, c'est le fait d'accepter la parole qui est basée sur une preuve. يقول ثانيا تقسيم الناس من حيث جواز التقليد وعدم جوازه. Il dit deuxièmement, il y a aussi le fait de partager les gens en deux. En prenant en considération le fait de la permission de l'imitation et la non-permission de l'imitation et l'interdiction de l'imitation. Les gens sont, il faut les diviser en deux par rapport au fait qu'il est permis l'imitation ou là il est interdit l'imitation. يقول فالناس في هذا الباب صنفان. Il dit parce que à ce chapitre là et à ce point là les gens sont deux catégories. صنف يسوغ له التقليد بل قد يجب عليه وهذا هو العامي وكذلك المتعلم الذي ليس عنده قدرة على الاجتهاد. Il dit il y a une catégorie à qui il est permis l'imitation mais il est même obligatoire pour lui. C'est l'âme, le commun. Et aussi, celui qui apprend et qui n'a pas les capacités de faire un effort d'interprétation. يقول ويقول بعض أهل العلم حتى العالم المجتهد الذي قصر باعه عن تقليد هذه المسألة بعد أن يستفرغ وسعه ويبذل جهده فإنه يسوغ له تقليد من مضى قبله من الأئمة. Il dit même qu'ils ont dit que certains hommes de science ont dit que même l'homme de science qui a les outils et qui est digne de l'effort de l'interprétation quand il n'arrive pas dans un domaine quelconque ou dans un sujet quelconque et qu'il a fait tous ses efforts pour arriver à un point ou à une résolution dans un sujet quelconque et qu'il n'est pas arrivé après avoir utilisé tous ses efforts, il lui permet d'imiter ceux qui sont passés avant lui parmi les imams. يقول وأذكر هنا مثالا في قضية الاسم هل هو المسمى أو غيره وهو أن الطبري رحمه الله وهو من هو في الإمامة وجلالة القدر والسابقة في الفضل قال في هذه القضية ليس عندي إلا من في قوله الغناء والشفاء يعني الإمام أحمد رحمه الله قلده il dit حفظه الله تعالى ici je vous cite un seul exemple concernant le nom. Est-ce que le nom, c'est ce qui est désigné ou autre chose? Il dit, Tabari rahimahullah, et qui c'est Tabari? Dans l'imam, dans la religion, et dans la place qu'il a dans la science, et dont il est au-devant de tout au niveau du vertu, etc. En ce qui concerne ce sujet, le sujet du nom, il a dit, j'ai rien d'autre à dire. J'ai une parole de quelqu'un qui a sauvé tout le monde et qui est suffisante. C'est la parole de l'imam Ahmed. Ici, Cheikh Hafidhahullah Ta'ala de nous montrer que l'imam Tabari, concernant ce sujet-là, concernant le nom, l'imam Tabari, rahimahullah, il a imité qui l'imam Ahmed, rahimahullah. يقول وفي الجرح والتعديل فإن العلماء يقلدون من سبقهم واتقه ابن معين واتقه فلان واتقه فلان إذا لم يعرف لهم مخالف فإذا عرف المخالف نظر كما قدمنا في الدليل. Il dit au niveau de la critique et de l'éloge, les hommes de science imitent ceux qui sont passés avant eux. Tu les entends dire comme le cite Chéressi, ibn Ma'in a dit de lui qu'il est digne de confiance. L'autre a dit qu'il est digne de confiance, et ainsi de suite. Et quand on ne leur connaît pas de divergent, et si on leur connaît un divergent sur l'éloge de cette personne, à ce moment-là, il dit cher, comme nous avons dit auparavant, on regarde dans les preuves. يقول الشيخ حفظه الله الصنف الثاني, la deuxième catégorie. Devant l'imitation. يقول الصنف الثاني من يحرم عليه التقليد ولا يسوغ له بحال وهو العالم المجتهد الذي لا يستطيع أن يستفرغ الوسع بالنظر في الأدلة وصولا إلى الحكم الشرعي إما على سبيل القطع واليقين أو على سبيل الظن الغالب فإنه يطلب منه الاجتهاد والنظر في الأدلة. Il dit la deuxième catégorie, ce sont les gens à qui il est interdit l'imitation. Il ne leur est pas permis d'imiter n'importe comment. C'est l'homme de science digne de l'effort d'interprétation, qui est capable de faire des efforts d'interprétation et de regarder dans les preuves, dans les fondements, pour arriver à la loi de la législation. Soit il arrive à un point irréfutable sur lequel il y a la certitude, soit par le moyen de الظن الغالب, qui est ce qu'il croit le plus. À ce moment-là, il est demandé à l'homme de science, digne de l'effort d'interprétation, de regarder dans le preuve. يقول وبهذا تعلمون. Donc, ça concerne la deuxième catégorie, concerne les hommes de science dignes de l'effort d'interprétation. Ils n'ont pas le droit d'imiter. يقول وبهذا تعلمون أن من ينهى عن التقليد مطلقا أحد رجلين لا ثالث لهما. Il dit partant de là, vous savez que celui qui interdit l'imitation, dans le sens large du terme comme ça, c'est l'un de deux hommes. Il n'y a pas un troisième. Il n'y a pas une troisième. C'est l'une des deux catégories des hommes. Il n'y a pas une troisième catégorie à lui. يقول إما إنه جاهل سمع الناس يدندنون في ذم التقليد فقال مثل ما يقول الناس. Il dit soit c'est un ignorant, il a entendu les gens parler autour du blâme, de l'imitation, et il dit comme disent les gens. يقول أو صاحب هوى وهو قائد من يسمع قوله إلى قبول قوله هو فقط. شيخنا قال وهذا هو التعصب المذموم والتقليد المذموم فالتقليد المذموم هو تعصب وهذا هو الذي يدعو إليه ذلكم الرجل الذي ينهى عن التقليد على سبيل الإطلاق. Il dit حمد الله تعالى ou quelqu'un qui suit ses passions, c'est celui qui guide les gens vers sa parole pour accepter sa parole à lui tout seul. Et les gens disent quoi? Ils les orientent vers le fait de dire « Notre cheikh a dit ». Et ça, c'est le sectarisme qui est blâmable. Et c'est l'imitation qui est blâmable. Et l'imitation blâmable, c'est du sectarisme. Et ça, c'est la voie vers laquelle appelle cet homme qui interdit l'imitation au sens large du terme. Comme ici il s'agit d'Abu al-Hassan. يقول طلاب في باكورة الطلب لا يعرفون اتباعا ولا تقليدا يشيع فيهم وينفخ فيهم نحن لا نقلد لا نقلد احدا لا نقبل هذا ليس من سياسة السلف ولا من فقه السلف فإن العالم السلفي هو الذي يعلم الناس سنة وإذا كانت المسألة فيها خلاف فإنه يعرض الأقوال ويعرض أدلتها ويرجح ما يراه راجحا. الشيخ دو نودير, des étudiants qui viennent de commencer, qui sont au début de leur demande, qui ne connaissent ni le suivi, ni l'imitation, et propager entre eux, et les gonfler avec le fait, nous, on n'imite pas. Nous, on n'imite personne. Nous, on n'accepte pas. Ceci ne fait pas partie de la politique d'Yel Salaf. Il ne fait pas partie de la jurisprudence des Pizayr d'Allah Alim. Car les hommes de science salafi, ce sont ceux qui apprennent aux gens la sunna, et quand le point, il y a une divergence sur un point, ils exposent les paroles de la divergence, et ils exposent aussi les preuves, et après ils nous mettent en avant ce qu'il faut mettre en avant. Yaqul, as-su'al, al-hadi wal-ishroun, جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول إذا حصل تقصير من الحاكم فيما يظهر في أمر من أمور الرعية وتسبب هذا التقصير في ردة فعل للرعية بأمور لا يرضاها الحاكم كالاعتصامات والمظاهرات وغيرها, فهل هذا يعتبر من الخروج عليه وهل هناك فرق في تقصيره من جهة الدين والدنيا؟ Il dit, la 21e question que Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense, dit, quand il y a une négligence de la part du gouverneur, hein, en ce qui concerne les populations, et que cette négligence du gouverneur a amené une réaction du peuple, que le gouverneur n'a pas admis et n'agrée pas cette réaction, comme les sit-ins, comme les manifestations ou autres. Il dit la question de dire est-ce que ceci est considéré comme une révolte, comme khuruj? Est-ce qu'il y a une différence dans la négligence du gouverneur, dans les choses de ce bas monde et dans les choses de l'au-delà, de la religion? Est-ce qu'il y a une différence entre la négligence religieuse dans les domaines religieux et la négligence dans le domaine de ce bas monde? يقول قدمت لكم لا أدري في جلسة البارحة أو فيما مضى وقد يكون في جلسات سابقة قوله صلى الله عليه وسلم ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي ولا ينزعن أيضا من طاعة. Il dit حفظه الله تعالى auparavant, je sais pas si c'est l'assise d'hier ou une autre assise avant, hein, il dit, je vous ai annoncé cette parole du messager alayhi salam qui dit, celui qui est sous la tutelle d'un gouverneur, qui voit que ce gouverneur accompli une désobéissance à Allah, qu'il déteste que l'acte qu'a fait le gouverneur et qu'il doit rester dans l'obéissance à ce gouverneur. يقول فانظر فانظروا فرآه يأتي شيئا من معصية الله. معصية الله عامة صيغة عموم مفرد مضاف لغير العهد فهو صيغة عموم باتفاق المحققين ولا أعرف حتى الساعة من علماء الأصول من يخالف فيها هذا. دي regardez et il a vu que ce gouverneur a amené quelque chose. A amené une désobéissance à Allah, a fait une désobéissance à Allah. Il a dit ici désobéissance, il est général, il est dans l'expression du général et il est singulier, attribué, et c'est une expression du général à l'unanimité des authentificateurs. Il dit je ne connais pas quelqu'un parmi les hommes de science des fondements jusqu'à nos jours qui est en divergence avec ceci. Que cette expression dans laquelle il y a le général au singulier et qu'il est attribué, mudaf li ghayr, il veut dire le général, ça concerne tout, toutes les désobéissances. يقول فإذا تقرر هذا فلنا مع هذا السؤال وقفتان أو ثلاث. Il dit si ceci est confirmé, nous avons deux points ou trois points avec cette question. الوقفة الأولى هل الاعتصامات والمظاهرات احتجاجا على عمل الحاكم وتقصيره في دينه أو في دنياه في عمل ديني أو دنيوي هل هو هذا العمل من منهج السلف أو من منهج غيرهم. Il dit la première point, est-ce que les sitting, les manifestations pour, contre un des actes du gouverneur ou contre la négligence religieuse du gouverneur ou la négligence au niveau des choses de ce bas monde, est-ce que ceci est un acte, est-ce que ceci fait partie des actes d'épisaires d'Allah alayhim, ou alors il fait partie de la voix des autres, il fait partie de la voix d'autres que l'épisaires d'Allah alayhim. يقول فهو من منهج غيرهم فإذا هو محدث وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et il dit donc ceci, les sitting, les manifestations, etc., ceci ne fait pas partie de la voix du puiseur d'Allah Alim. Donc il fait partie de la voix des autres. Donc c'est quelque chose qui est innové. Et toute innovation est qui est nouveau. Et toute nouveauté est une innovation. Et toute innovation est un égarement. Et tout égarement est voué au feu de l'enfer. Le texte du prophète alayhi salatu wassalam. Par le texte, c'est-à-dire la parole du prophète alayhi salatu wassalam qui décrit ceci. يقول وقفة الثانية نحن لا ندعي العصمة في أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وندين الله بأن ما أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده لا تجوز مخالفته لأنهم رضي الله عنهم مجمع على عدالتهم والمحققون والمنصفون وأئمة الدين مجمعون على أن إجماعهم حق ولم يخالف في ذلك إلا أهل الأهواء بقي كيف يعالج هذا التقصير من ذلك الحاكم. Et il dit, le deuxième point dans cette question, c'est que nous on ne prétend pas que quelqu'un est épargné de l'erreur, il ne fait pas d'erreur après le prophète alayhi salatu wassalam. Et il dit, et nous prenons comme religion, le point sur lequel il y a eu l'unanimité des nobles compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, après le prophète alayhi salatu wassalam, il n'est pas permis d'être en divergence avec eux. Car qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, le consensus est sur le fait qu'ils sont authentificateurs, dignes de confiance et équitables. Et les imams sont à l'unanimité de dire, ils sont unis tous, de dire que le consensus des nobles compagnons est une vérité. Et il dit, ni en divergence dans ça, que les gens d'eux qui suivent leur passion. Il dit, maintenant il nous reste, comment remédier à cette lacune du gouverneur ? يقول أولا لو قال قائل تقصير الحاكم لأمر من أمور الرعية هيج بعضهم عليه هذا من المعاملات والمعاملة الأصل فيها الإباحة أو الأمر واسع كما يقولون خليهم يتكلمون بما يشاءون لكن نحن عندنا ميزان نزن به الأعمال والأقوال. Il dit premièrement, si quelqu'un dit que la négligence du gouverneur concernant les situations de ces populations a fait que ça a excité certaines des populations. Et que ça, ça fait partie de mu'amalat. Et l'asl dans le mu'amalat, c'est que c'est autorisé et que la situation est large, comme ils disent. Cher de nous dire, laissez-les parler comme ils veulent. Mais nous, on a une balance avec laquelle on pèse les actes et les paroles. يقول فنقول هل ولد في هذه القضية أمر يحكم أو هي متروكة على أنها معاملة حتى تقولون ما تقولون. Est-ce que maintenant concernant cette situation, est-ce qu'il y a eu un point pour la juger, ou alors il a été laissé comme toute forme de muamala, comme ils disent? فإن قالوا نعم خصموا أنفسهم بأنفسهم. S'ils disent oui, dans ces cas-là, ils se sont pris comme juges eux-mêmes. وسوف نأتي بالحجة بعد قليل. Et nous allons ramener la preuve juste dans un instant. وإن قالوا لا نقول كذبتم ورد فيها نص والنص حكم فاصل للنزاع. وإن قالوا لا نقول كذبتم ورد فيها النص والنص حكم فاصل للنزاع سواء كان المتنازع فيه عبادة أو معاملة، لأن الله تعالى ما تعبدنا بغير نص الإجماع، نحن متعبدون به لما قدمت من الإشارة إلى أدلته. Et il dit حفظه الله تعالى. Et si maintenant ils nous disent non, nous leur disons, vous vous montez. Il y a un texte, c'est-à-dire ce niveau-là, en ce qui concerne la négligence et les désobéissances du gouverneur, il y a eu un texte, vous montez. Et le texte, c'est le juge. Et c'est la base vers laquelle il faut ramener toute forme de litige. Que ce soit au niveau des mu'amalat, les relations entre autrui, et que ce soit au niveau des adorations. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de l'adorer avec un texte. Et l'ijma, le consensus, est obligatoire de le prendre pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, car pour les preuves et pour ce que nous a dit Cheikh tout à l'heure. Et que l'ijma en soi, c'est une preuve. Et Cheikh nous dit, قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ماذا بعدها؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الشيخ دوغ أمني لابخوف دو دير إلي دي دون الفرسي أو فو كي أفي كري أوبيسي الله أوبيسي أو ميساجي إي أو زوم دو سيونس أو غوفرنور parmi vous. Et après le verset, qu'est-ce qu'il y a? Et si vous avez un problème de quoi que ce soit, vous le ramenez vers Allah et vers le messager. قال أهل العلم الرد إلى الله والرد إلى كتابه والرد إلى رسوله والرد إليه في حياته وإلى سنته وإلى سنته بعد مماته. Les hommes de science ont dit, le fait de ramener les litiges vers Allah, c'est de les ramener vers le livre d'Allah, et de les ramener vers le messager, c'est de les ramener vers le Rasoul صلى الله عليه وسلم quand il était vivant, et après sa mort, de les ramener vers sa sunna. يقول ونحن نؤكد عليكم أنه قد ورد نص فما ذلكم النص. Il dit, nous, on appuie encore, et on dit, il nous a été rapporté un texte. C'est quoi ce texte? يقول فالجواب روى ابن أبي عاصم وأحمد في مسنده عن عياض بن غنم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديها علانية وليخلو به وليأخذ بيده فإن قبلها قبلها وإلا كان قد أدى الذي عليه. Et il dit, la réponse, c'est ce hadith rapporté par Ibn Abi Asim et par l'imam Ahmed, d'Uyad ibn Ghun, du prophète, qui dit, celui qui veut conseiller un gouverneur, il ne le fait pas en public, et qu'il doit être en tête à tête avec, et le prendre dans sa main, et lui dit, s'il accepte de lui, il a, c'est bon, s'il accepte pas, il aura rempli son devoir. يقول فهذا الحديث يتضمن ما يأتي أولا وجوب نصيحة الحاكم فيما يقصر فيه سواء كان في نفسه أو في أمر الرعية سرا فلا يبديها علانية وهذا معناه سرا وهذه السرية يجب أن تكون حتى عن أقرب الناس إليه إن أمكن. Il dit, premièrement, ce hadith contient comme quoi il faut conseiller le gouverneur dans ce qu'il a été négligent. Ce soit une négligence vis-à-vis de sa personne ou une négligence vis-à-vis de ses populations. Mais ça doit être fait en secret et en privé. Et comme il est dit dans le hadith, il ne doit pas la dire devant le public. Et ça, ça veut dire que ça doit être en secret. Hein? Et c'est le fait de le faire en secret, même que même les proches de ce gouverneur ne doivent pas le savoir ni le voir. يقول ثانيا براءة الدم وخلوها من التبعة إذا أمكن نصح الحاكم سواء قبل أو لم يقبل. Il dit deuxièmement dans le hadith, il y a que une fois que tu as donné le conseil, que le gouverneur a accepté ou il a pas accepté, bah ça y est, tu as rempli ton devoir, c'est fini. Hein? Tu as rempli, tu as fait ce que tu devais faire. يقول ثالثا لو كان تمت وجه يرضاه الله عز وجل بان ذلكم الوجه أعني في النصيحة إما في الكتاب وإما في صحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit troisièmement, s'il y avait un autre cas de figure que Allah subhanahu wa ta'ala agréé, il aurait été éclairé, hein, en ce qui concerne le conseil du gouverneur, que ce soit au niveau du livre, que ce soit au niveau de l'authentique de la sunna. يقول وللقوم شبه. Il dit mais les gens, ces gens-là ont des ambiguïtés. منها أن أبا سعيد الخدري أنكر على مروان أمير المدينة حين قدم مروان خطبة العيد على الصلاة أنكر عليه ذلك قالوا فهذا إنكار علني. Il dit, fait partie de ces ambiguïtés, c'est que Abi Saïd al-Khudri, il a blâmé l'acte de Marwan, l'émir de Médine, quand il a voulu faire la khutba du Eid avant la prière. Ils disent que ça, c'est un blâme, il a blâmé cet acte en public. يقول نقول الحمد لله إنكم أتيتم لنا بحديث نعرفه ليس عندنا في القصة نزاع لأنها في صحيح مسلم ولكن في مضمون القصة أمور غفلتم عنها أو تغافلتم والتاني أحرى بكم عندنا لأننا تعودنا منكم إلقاء الشبه. Il dit, nous disons, louange à Allah, c'est que vous avez ramené un hadith que nous connaissons. Et que cette histoire, et nous avons un litige concernant cette histoire. Et il est dans l'authentique de Muslim. Mais le contenu de cette histoire, hein, dans le contenu de l'histoire, il y a des choses que vous avez mis de côté, ou là que vous êtes insouciants de ces choses, ou là vous les avez mis de côté. Et il dit, le fait de les avoir de mis de côté, c'est ce que nous connaissons de vous, car nous avons eu l'habitude que vous ayez des ambiguïtés. يقول وتلك الأمور أولا أن أبا سعيد رضي الله عنه قال مشيت مخاصرا مروان. Premièrement, c'est que dans le hadith il est dit que j'ai marché à côté de Marwan. Ah, c'est-à-dire que chacun, il a mis la main sur une partie du corps de l'autre. Mashaytu mukhasiran Marwan. Wa ma'na al-mukhasara anna kull wahid wad'a yadahu ala khisr al-akhar wa yuhaddithu fan-nadhirun yadrikuna anna hadayn al-mutamashiyayn al-mutakhasirayn yatahaddathan bi amrin lakin la ya'lamuna ma hu. Il dit, le mukhasara en langue arabe, ça veut dire que chacun a la main sur le khisr de l'autre. Je sais pas comment traduire le terme khisr, hein. Et sur le khisr de l'autre. Et qu'il parle, et ceux qui les voient captent que ces deux hommes qui marchent dans la main de chacun d'eux sur le khisr de l'autre sont en train de parler de quelque chose. Mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. ثانيا أن أبا سعيد رضي الله عنه لما قال لمروان أين الابتداء بالصلاة قال يا أبا سعيد لقد ذهب ما تعلم إن الناس لا يجلسون لنا وقد ذكر أنه أعني أبا سعيد يجذبه إلى الصلاة ومروان يجذبه إلى المنبر فقال أبا سعيد كلا لا تأتون بخير مما أعلم ثم استمع إليه استمع إليه وصلى معه ائتم به في الصلاة ولم يتخذ من ذلك مجالا للتشهير بمروان بالأمير والنيل منه. Deuxièmement, c'est qu'Aba Saïd رضي الله عنه وارضاه, il a dit à Marwan, où est le fait de commencer avec la prière? Et Marwan lui a dit, oh Aba Saïd, c'est parti ce que tu sais, les gens ne restent plus après. Et il a rapporté aussi que Aba Saïd le tirait vers la prière et Marwan le tirait vers le manbar. Et Aba Saïd, il lui a dit non. Vous n'allez pas ramener un bien dans ce que je connais. Et après, ça n'a pas empêché Abba Saïd al-Khoudri d'écouter la khutba de Marwan et de prier avec et de le prendre comme imam dans la prière. Et il n'a pas pris de cette situation le fait de le divulguer, de parler mal de Marwan, etc. Hein, et de parler mal du gouverneur de la ville. Hein, de Médine. الأمر الثالث أن رواية أبي سعيد وهو عامر بن سعد راوية أبي سعيد وهو عامر بن سعد قال عن أبي سعيد ولم يقل رأيت مروان يفعل كذا وأبو سعيد يفعل كذا ولم يقل سمعت أبي سعيد الخضري يقول لمروان ومروان يقول له troisièmement c'est que celui qui rapporte le hadith d'Abi Saïd al-Khudri qui est Amr ibn Sa'd a dit Il a dit d'Abi Saïd al-Khoudri il a dit que j'ai pas vu Marwan faire ceci ou Abu Saïd faire cela. Et il a pas dit j'ai entendu Abi Saïd al-Khoudri dire à Marwan ceci ou Marwan dire à Abu Saïd al-Khoudri dire cela ou Marwan dire cela à Abu Saïd. Hein? Dire qu'il n'a rien rapporté de la conversation qu'il y a eu entre eux, Abu Saïd al-Khoudri et le prince de Médine qui était Marwan. Il dit cette approbation, le fait, avec ce que nous venons de conclure, ce que nous venons de confirmer, l'anéantissement de cette ambiguïté de ces gens, que ce hadith authentique qui est chez l'imam muslim, il nous apparaît clairement qu'Abi Saïd al-Khoudri, quand il a blâmé à Marwan le fait qu'il mette la khutba avant la prière, ça a été en secret, et ça n'a pas été divulgué, et ça n'a pas été en public. يقول فأصبح الحديثان مجتمعين غير مفترقين مؤتلفين غير مختلفين ولله الحمد والمنة. Il dit dans ces cas-là, les deux hadiths se réunissent. Le hadith que nous a cité tout à l'heure et celui-là, ils sont unis maintenant les deux hadiths. Il n'y a plus de divergence. Il a louange à Allah. يقول ومن هنا نقول نصيحة الحاكم واجبة والأحاديث الواردة في نصح الحاكم واضحة منها قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وأحاديث أخرى كثيرة في الباب. Il dit partant de là nous disons que le fait de conseiller le gouverneur est obligatoire. Les hadiths sont nombreux. Dans le fait de conseiller le gouverneur, ils sont très clairs. Fait partie de ces hadiths où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit la religion c'est le conseil, la religion c'est le conseil, la religion c'est le conseil. Il lui a dit pour qui ya Rasoul Allah? Il a dit pour Allah, pour le livre d'Allah, pour le messager d'Allah, pour les gouverneurs des musulmans et les hommes de science des gouvernants et pour le commun des musulmans. Et les deux autres hadiths concernant ce sujet. يقول لكن من الناصح وكيف أما الكيفية فقد ماضت وعرفتموها. Il dit mais qui doit conseiller et comment doit se faire le conseil. Il dit comment doit se faire le conseil, ça y est, vous le connaissez maintenant, nous venons de le dire. وأما الناصح فهم المقربون إلى الحاكم لأن الحاكم يخفى عليه حال أكثر الناس وقد يكون في مقام يحتم عليه الحذر إلا من ناس معينين. هنا إذن إذا أردت أن تنصح حاكما فإذا كنت من الذين يمكنهم الدخول إليه والجلوس إليه ومحادثته فاصنع ما سمعته في حديث عياض بن غنم وهو حديث صحيح. Et cher de nous dire, qui doit conseiller? Il dit, ce sont ceux qui sont proches du gouverneur. Car le gouverneur, il ne connaît pas toutes les situations de ces populations. Il peut être dans une situation où il fait très attention à sa vie. Et qu'il n'y a que peu de gens qui peuvent l'approcher. Et si tu veux conseiller un gouverneur, et que tu peux arriver à lui et que tu fais partie de ceux qui rentrent chez lui, etc., etc., tu dois et tu vas aller le voir et tu vas te comporter comme dans le hadith d'Iyad ibn Ghulm, c'est-à-dire le conseil en secret entre toi et lui. Et le hadith, il est authentique par ses différentes voies de transmission. Donc, ça veut dire que celui qui fait le conseil va être parmi ceux qui peuvent arriver au gouverneur. يقول وإن كنت لا صلتك به ولا تتمكن من الدخول عليه أو تتمكن ولكن لا تتمكن من الجسول إليه ومحادته بل استطعت أن تكتبها وتسلمها بيده مع السلام عليه ثم تنصرف فذلك أمر جميل. Il dit si tu ne peux pas, t'as pas de rapport avec le gouverneur, tu ne peux pas rentrer chez le gouverneur, ou alors tu rentres chez le gouverneur mais tu ne peux pas t'asseoir à côté de lui et lui parler en secret. Et tu as pu tout simplement écrire. Bah, tu écris et tu lui donnes aux mains propres. Quand tu vas le saluer, tu lui donnes aux mains propres et tu t'en vas. Et ça aussi, c'est un bon acte. Yaqul, wa illam tastati' faktub ila man huwa qaribun minhu fasawfa yusiluha ilayhi wa sawa'an qabila al-hakim aw lam yaqbal sawa'an wasalat ilayhi an-nasiha aw lam tasil bari'at dimmatuh. Il dit, et si tu ne peux pas écrire à quelqu'un qui est proche du gouverneur, il va lui ramener, soit le gouverneur il accepte, là il n'accepte pas, ça ta responsabilité c'est arrêter là. Soit que le conseil lui est arrivé ou là il lui est pas arrivé, bah ça y est, t'as fait ce que tu devais faire, ton devoir tu l'as accompli. يقول وياك ثم اياك ان تغتر بصنيع هؤلاء القوم الذين يشهرون بالحكام على المنابر وفي المحافل العامه ويصدعون باخطائهم فان هذا من التحريض الذي هو منهج الخوارج القاعديه. Et ils disent, hein, et fais attention, attention, ne te fais pas avoir par les actes de ceux-là qui divulguent les erreurs du gouverneur sur les manabers et dans les réunions publiques et dans les places et dans leurs conférences, etc., qui n'arrêtent de citer les erreurs du gouverneur. Il dit, parce que ça, c'est exciter les gens contre leur gouverneur et ça fait partie de la voix du Khawarij Qa'adit. Qa'adiyya, c'est ceux qui parlent et qui préparent les gens à l'Khuruj. فنوز arrêtons là ici. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم واحسن الله لكم جزاكم الله خيرا.